D'après Yunnam News de Corée du Sud, 43 formations civiles comme la Solidarité des citadins pour une société démocratique et le Rassemblement des avocats pour une société démocratique ont tenu le discours en une conférence de presse sur la place de Gwanghwamun à Séoul pour exiger vertement des autorités et des États-Unis l'arrêt immédiat de tous les actes militaires aggravant la situation de la péninsule coréenne.